Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens, présentée par Miss D sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette émission sur les dramas. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois dramas très différents les uns des autres. Le premier est une romance qui va vous faire aimer l'amour, le deuxième est rempli d'action et d'espionnage, tandis que le dernier vous apportera une certaine légèreté avec une bonne dose d'humour, d'amitié ainsi que de sport. Avant de commencer, je vais vous faire écouter, comme pour le premier épisode, une chanson présente dans un drama que nous aborderons dans les semaines à venir. Il s'agit donc du titre The Night, chanté par Eric Nam, qui provient du drama intitulé Encounter. D'écouter The Night, chanté par Eric Nam. Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens sur Fadjet. Je suis sûre que depuis que je vous ai annoncé un drama romantique, vous mourriez d'envie que j'en parle dans l'instant. Eh bien, c'est chose faite, puisque c'est le moment. Je vais vous parler du petit bijou qui est One Spring Night. C'est un drama datant de 2019, réalisé par Han Pan-sok, que vous pouvez retrouver dès maintenant sur Netflix. Pour ceux qui trouvaient que les épisodes d'une heure étaient beaucoup trop longs, eh bien rassurez-vous, bien qu'il y ait quand même 32 épisodes, ils ne durent que 35 minutes chacun. L'histoire de ce drama commence avec le personnage de Lee Jung-in. Elle est bibliothécaire et est mariée à un banquier depuis 4 ans. Malheureusement pour elle, mais heureusement pour nous, elle n'est pas satisfaite de sa relation avec son conjoint. Un jour, alors qu'elle a besoin d'aller dans une pharmacie pour obtenir des médicaments pour soigner sa gueule de bois, elle rencontre le personnage principal masculin Yujiro, qui se trouve être pharmacien. Les deux personnages ne se doutent pas qu'après leur rencontre, ils vont commencer à voir l'amour et les relations sous un tout nouveau jour. Malgré tout, et bien évidemment, tout ne sera pas facile dans leur idylle puisque Jong-in est marié et Jio quant à lui est père célibataire. Il faut savoir qu'en Corée, la monoparentalité est encore très mal vue aujourd'hui, même si les mentalités évoluent de plus en plus positivement. Vous le verrez, le jeune père va rencontrer divers reproches quant à sa situation familiale de plein de personnes autour de lui, notamment ses amis, les parents de sa future petite amie, et évidemment des inconnus qui finissent par apprendre ses conditions familiales. Il est quasiment le seul qui ne voit aucun mal à être père célibataire. Alors vous le comprendrez très bien, leur magnifique histoire d'amour ne sera pas favorisée par leur entourage ni leur contexte familial. Pourtant, ils finiront par vivre leur belle histoire d'amour, et en tant que spectateur, vous n'aurez sûrement pas d'autre choix que de les encourager à poursuivre leur cœur, tant leur aventure sentimentale vous fera vibrer. Tout de suite, une petite pause musicale avec le titre No Direction, interprété par Rachel Yamagata. Just Vous venez d'écouter No Direction de la chanteuse Rachael Yamagata et vous êtes toujours sur Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens. De mon côté, j'ai adoré ce drama tant par l'histoire d'amour que par les stigmatisations sociales que la série soulève. Effectivement, même si je suis une amoureuse transie des histoires d'amour, j'aime tout particulièrement quand l'histoire ne fait pas que tourner autour de ça. J'apprécie les dramas et les séries en règle générale qui dénoncent et soulèvent des problématiques sociétales, ce qui est bien le cas dans celui-ci. On apprend les mœurs de la population coréenne qui diffèrent pour la plupart de celles que nous avons en Occident, en tout cas en Europe. L'histoire de Jung-in et Jio nous révèle que les mariages arrangés se font encore quelquefois, comme cela a été le cas pour notre chère bibliothécaire, et que, comme annoncé auparavant, les regards portés sur la monoparentalité en Corée du Sud sont encore très négatifs, contrairement à la France où cela est complètement banal et finalement sans réelle importance. Voici une pause musicale avec Spring Rain du chanteur Oscar Dunbar. The birds are out again. I can feel a change upon the wind. The color of the sky and the sound of the rain coming down, down, down. I can tell that you're the same as me, wanting to feel curious and free. You opened up the door. You opened up the door. Seasons, they change. Gone away, then back again. Every sign I see is you. I am tired of hiding how I feel. Every sign is telling. I see is telling me it's real. C'était Spring Rain du chanteur Oscar Dunbar. Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens sur Fadjet. Le prochain drama dont je vais vous parler est Man to Man, réalisé par Lee Chang-min en 2017. Comme la plupart des dramas que je vais vous présenter, il est retrouvable sur Netflix. Il est composé de 16 épisodes de 1 heure, et cette série s'approche de 3 genres. Action, thriller, et comme les dramas ne peuvent pas s'en empêcher, un peu de romance aussi. Le synopsis de ce drama n'est pas très compliqué. Le personnage Yeo Woon-kyung est un ancien cascadeur devenu un acteur très connu au sein de la Corée du Sud, au point de ne plus vivre normalement, surtout lorsqu'il sort de chez lui. Pour remédier à ce problème, la célébrité engage un garde du corps pour l'escorter et le protéger lors de tous ses déplacements. Il s'agit de Kim Sol-woo, un homme mystérieux, très attirant et formé dans les enquêtes spéciales. Il a énormément de talent et pour cause, il est en réalité un agent secret du NIS, le National Intelligence Service, qui se sert de son rôle de garde du corps comme couverture et finalement atteindre les objectifs qui lui ont été secrètement confiés. Passant de plus en plus de temps ensemble, les deux hommes nouent, au fil du temps, une relation de confiance et d'amitié tout au long des obstacles qu'ils rencontrent. La romance, quant à elle, arrivera dans la série par la relation naissante entre le ténébreux garde du corps et Cho Da-ha, la manager de Woon Wang. Nous allons maintenant écouter le titre Full of Wonders, interprété par le groupe Romance. 시원한 바람처럼 너 불어와 상큼한 봄비처럼 너 내려와 조금씩 변해가는 나 네가 있기에 이 세상은 나에게 신비로운 걸 숨을 쉬는 순간마다 네 향기가 밀려오고 눈을 뜨는 순간마다 네 모습 떠올라 지난 눈물조차 닦아주는 너 지난 아픔조차 잊게 하는 너 네 맘에 그곳에 내가 머물 자리를 마련해 줄래 시원한 바람처럼 너 불어와 상큼한 봄비처럼 너 내려와 조금씩 변해가는 나 네가 있기에 이 세상은 나에게 신비 C'était Full of Wonders du groupe Romance et vous écoutez toujours Chronique Drama. J'ai beaucoup aimé ce drama car il contient une bonne proportion d'aventure avec les actions du personnage de Sol-woo et également assez de légèreté avec leur amitié qui fait chaud au cœur. Ils partagent le genre de relation qui peut porter toute l'intrigue d'une série et finalement, tant que spectateur, on attend davantage de voir les deux hommes ensemble à partager des moments fusionnels plutôt que la romance entre le garde du corps et la manager. Je vous conseille ce drama parce qu'il est plutôt facile à regarder et procure tout de même de quoi nous faire vivre différentes aventures par procuration. Certains passages nous font rire, avoir peur, être stressé, et peut-être même pleurer pour certains. Tout de suite, nous allons écouter le titre Map of Heart, interprété par le trio Sterling Haig. J'ai 달려온 시간 내 맘에 조용히 말하네 한 번쯤 어디에 있는지 네 안을 들여다봐 네 꿈처럼 그 길을 가고 있니 마음의 지도를 따라서 간다 마음의 소리를 따라 달린다 그를 기울여봐 운명이 들린다 마음의 지도를 따라 들여다봐 네 안에서 길을 찾게 될 테니 d'écouter Map of Heart du trio Sterling Haig. Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens sur Fadjet. Le dernier drama de cet épisode est intitulé Weightlifting Fairy Kim Bong-joo. Il est sorti en 2016 et a été réalisé par Oh Yong-jung. Il est composé de 16 épisodes de 1 heure. La série coréenne est disponible sur Netflix et vous présente un doux mélange entre activités sportives de haut niveau, humour et romance, bien entendu. Ce drama s'inspire de la vie de la médaillée d'or d'haltérophilie aux Jeux Olympiques sud-coréens nommée Jang Mi-ren. En voici donc l'intrigue principale. Le personnage principal féminin, Kim Bong-joo, fait partie de ces athlètes dont la spécialité est l'haltérophilie. Elle en est passionnée depuis son enfance et possède une grande force, influencée par son père qui était autrefois spécialisé dans ce domaine. Jong Jun-young est quant à lui le meilleur ami de celle-ci, bien que leur retrouvaille ne semble pas heureuse au premier abord, vous le verrez peut-être. Contrairement à Bong-joo, c'est un nageur né et très talentueux, cependant, il a été disqualifié de sa première compétition internationale et souffre par conséquent d'un trauma appelé le trauma des départs. Finalement, cette série raconte l'histoire d'un groupe d'athlètes qui s'entraînent afin d'atteindre leurs rêves. Tout de suite, nous allons écouter le titre From Now On de Vincent Blue. From Now On de Vincent Blue et vous écoutez toujours Chronique Drama. J'ai adoré ce drama tant par le sujet qu'il aborde que par les personnages. Ils sont tous attachants à leur manière et nous arrivons à vivre avec eux leurs exploits ainsi que leurs défaites. En tant que spectateur, on finit par les soutenir comme si on supportait de véritables athlètes réalisant réellement des compétitions sportives. Je vais vous l'avouer, l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux a fait également battre mon cœur tant ils sont adorables l'un avec l'autre. Mais la chose que j'ai préférée de tout le drama est le personnage de Kim Bong-jo. Elle est drôle, adorablement mignonne et on a envie que les plus belles choses lui arrivent tellement elle le mérite. Je dois tout de même émettre une certaine réserve sur un point en particulier. Durant le drama, on reproche plusieurs fois au personnage de Kim Bong-jo d'être trop grosse, or ce n'est absolument pas le cas puisque l'actrice ne fait que 50 kilos. Les critères esthétiques de la Corée sont très différents de chez nous, surtout à l'extrême, parce que pour eux, plus une femme est maigre, plus elle est attirante, surtout en ce qui concerne les stars. C'est pourquoi il est nécessaire de regarder le drama avec un certain recul, car il ne faut pas prendre en compte les remarques liées au poids, parce que cela pourrait créer des complexes qui n'ont pas lieu d'être. Alors mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, votre poids est très bien tel qu'il est, ne vous fiez pas au dire de ce drama et surtout pas aux normes de beauté coréenne. Restez comme vous êtes et regardez ce drama essentiellement pour passer du bon temps et non pas pour vous créer des nœuds dans la tête. Tout de suite, nous allons écouter le titre Somehow chanté par Jamie. Good. 아무래도 부스컴 노래가 흘러가고 난감한 순간이 한두 번이 아니야 d'écouter Somehow de l'artiste Jamie. Et voilà, l'épisode de Chronique Drama d'aujourd'hui est terminé. Nous avons parlé de One Spring Night, Man to Man et Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Ces trois dramas sont trouvables sur Netflix, je vous le rappelle. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que le contenu que je vous proposerai tous les deux jeudis saura vous convenir. En attendant, je vous dis à dans deux semaines. Bye bye!